Popcast. I am the one who knocks. Suppose you to see. Why are we followers? So we can learn to pick ourselves up. Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. I just told you who I thought I was. A god. Je mets les pieds aux cheveux, Little John. Et c'est souffrant dans la gueule. Et bonjour tout le monde. Salut, salut. C'est incroyable. Voilà, bienvenue sur le Popcast, la nouvelle émission sur la pop culture. Je me présente, Léandre, et je vais animer cette émission, ce podcast, je ne sais pas comment l'appeler, avec mon ami Dalil. Dalil, bonjour. Salut à tous. Bonjour Léandre. Ben, bonjour Dalil. Écoute, voilà, ça fait pas mal de temps qu'on travaille sur ce projet. On est très content d'enregistrer... Cette première émission, le podcast, c'est quoi? Bah, le podcast, c'est toute l'actu, pop culture, des débats, des classements, des behind the scenes, des petites anecdotes sympathiques et plus encore même. Hein, c'est un projet qui est en constante évolution. Et aujourd'hui, nous sommes le 8 mars et c'est la journée internationale des droits de la femme. Et donc, on s'est dit, bah, pour commencer, on ferait peut-être une émission un peu spéciale. Et Dalil va vous en parler un peu plus. Du coup, le concept de l'émission d'aujourd'hui, c'est qu'on va prendre un film, une série et un artiste qui nous représente en fait, qui représente un peu le monde dans lequel on vit dans notre tête. Mais donc l'émission vraiment aujourd'hui, c'est vraiment, on a essayé de mettre en avant bah, des femmes, évidemment, qu'on trouvait intéressantes dans le personnage qu'elles jouent, ou même dans le personnage tout court de la femme en tant qu'elle-même, de ce qu'elle représente, même en dehors de son art. Je propose de commencer. Qu'est-ce que t'en dis? Bah, allons-y, hein. Allons-y gaiement. Alors, on va commencer avec les films. Je pense que c'est le plus gros morceau. Et bah, donc, on en a pas mal parlé des films. On était tous les deux partis sur le même au départ. Hein. C'est ouais, ouais. Mais Dalil a gagné la bataille, donc il en parlera après. Il s'est soulevé comme la Coupe du Monde. Il a rien compris. Et donc, ben moi, j'ai dû rechercher un peu. Je me suis dit, mais quel film je pourrais parler. J'ai pensé à Erin Brockovich, mais j'arrive jamais à dire son nom. Donc je me suis dit, bah peut-être pas. J'ai pensé à Chicago, qui a gagné l'Oscar du meilleur film. Sauf que bah, je m'en rappelle plus trop. mais donc, je suis parti sur une direction complètement différente, et je suis parti sur un film, plutôt un dessin animé. Je suis parti sur La Reine des Neiges de Disney, qui date de 2013. Alors quand je l'ai annoncé à Dalil, il était un peu estomaqué. Bah, comme quoi on découvre quand même des choses, hein, quand on fait des émissions. Je pensais pas que c'était un comme ça. Il m'a annoncé Kill Bill, il m'a annoncé Erin, etc. Et puis il me dit, ouais non, pour finir, je partirai bien sur La Reine des Neiges. Je fais, bon, bah, chacun son kiff, hein. Après c'est cool parce que ça permet de toucher plus de monde. Tout à fait. Et donc je me dis dans enfin tout dans le respect le plus enfin le moins tout, comment dire, le moins détourné possible, hein. Et donc je me suis dit, pourquoi parler de La Reine des Neiges? Ben parce que tous les Disney, je pense que ça a quand même un impact assez gros sur tout ce qui est pop culture. Pourquoi parler de La Reine des Neiges? Tout le monde connaît donc l'histoire de La Reine des Neiges, hein. Je pense que on va pas forcément parler de ça, juste quand même un box-office de 1,2 milliard pour un Disney. Enfin, Disney est quand même réputé dans le game, mais pour un dessin animé, je pense qu'ils ont quand même, bien fait les choses. Mais c'est surtout donc pour l'histoire, bon, que j'ai voulu parler de ça. J'en ai parlé avec pas mal de personnes autour de moi et les avis étaient très très divers sur est-ce que La Reine des Neiges est un dessins animés Disney qui changent un peu la donne au niveau de la vision qu'on a des reines Disney. Donc on a une vision un peu plus traditionnelle des reines Disney qui sont juste des princesses qui attendent qu'un prince charmant vienne les sauver. Après on a une phase où on est un peu plus passé quand même dans des princesses un peu plus fortes avec Mulan, Pocahontas, rebelles. Et pour enfin en arriver à La Reine des Neiges. Donc dans La Reine des Neiges, on retrouve quand même deux personnages qui sont Elsa et Anna, donc deux sœurs qui sont les protagonistes principales de cette histoire. Et ce que j'ai apprécié, c'est que enfin, donc Elsa, qui est la princesse, qui est la reine des neiges, est complètement libérée et délivrée. Qui est complètement libérée de toute attache amoureuse avec un prince charmant. Elle s'en bat les couilles. Elle vit sa Je m'en bats meilleure les couilles, vie. frère. Elle vit sa meilleure vie. Elle affronte ses démons toute seule. C'est une femme avec énormément de responsabilités, des grands pouvoirs, hein, comme le grand maître le Comme Ben, disait. l'oncle Ben. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce film. Et aussi, donc. Elsa, à un moment, va évidemment avoir un problème, va être dans la merde, etc. Mais qui va venir la sauver? Pas un prince charmant. Non, non, non, non, non. Pas du tout. Sa sœur. Avec un prince charmant, quand même. Il faut quand même en mettre un. Et un bonhomme de neige. Il faut le signaler. Et un cerf. Et un cerf. Non, c'est pas un cerf, c'est un C'est renne. un renne ou un élan, je sais pas Je très sais pas sûr. non plus. Il a le Ouais. nez rouge, c'est un truc Ouais. comme ça. Et donc voilà, donc moi, enfin, c'est peut-être un peu bateau, etc. Mais je trouve qu'on passe déjà un cap dans cet univers des princesses. Et alors j'ai fait un peu de recherche, évidemment, parce qu'on n'est pas des blaireaux non plus, hein, on fait un peu de recherche. Et donc je suis tombé sur des analyses de cette sociologue, psychologue Mélanie Lallet, qui en fait revient dans plusieurs articles, donc je pense que c'est un peu l'experte, on va dire, des médias et du genre. Elle est d'ailleurs spécialiste des cultures enfantines. Et donc elle parle que oui, en effet, cette princesse se libère du prince charmant, et à la fin, jusqu'à la fin même, elle restera seule. Mais il faut quand même pas oublier que Anna et Elsa restent des princesses très belles, minces, très maquillées. On voit les figures stéréotypées en fait qui envahissent les supermarchés, parce qu'il faut pas oublier que Disney, où il fait son fric, c'est dans le merchandising après. Je vois pas de quoi tu parles. On pourra en parler. On a le plus beau cas, je pense, c'est Baby Yoda. Je pense que ça mériterait son Bon, allez, s'il te émission. plaît. Mais voilà, en gros, pourquoi j'ai choisi La Reine des Neiges, c'est pour ça. C'est un petit pas, on va dire, dans la guerre contre les clichés des princesses. On n'y est pas encore, je pense. Mais on avance. Et donc maintenant, Dalil, tu vas présenter le film que tu as choisi, enfin que tu m'as volé, hein, clairement. Bah, c'est bon, calme-toi, gros. Je te laisse la place. Du coup, moi aujourd'hui, je vais parler de Kill Bill, un petit film de Quentin Tarantino. Hein. Je connais pas. Non plus, tu connais pas. Mais tu voulais me le voler, hein, Ouais. malgré que tu ne le connaisses pas. Du coup, Kill Bill, c'est quoi? Kill Bill, c'est l'histoire d'une femme, la mariée, incarnée par Uma Thurman. Et bah, c'est le jour de son mariage, tout va bien, elle est heureuse. Elle a rencontré le prince charmant. Hein. On en revient. On en revient toujours, cette histoire de prince charmant. Elle est sur le point de dire oui jusqu'au moment où il y a Bill qui débarque et qui décide de faire une petite sauterie et de dézinguer tout le monde dans la chapelle. Ce qui laisse la mariée dans le coma pendant quelques temps. Après, Uma Thurman se réveille dans des conditions un peu particulières hein, et décide de se venger, tout simplement, et donc du coup d'aller péter la gueule à Bill. D'où le titre. C'est le quatrième film de Quentin Tarantino. Il suit juste Pulp Fiction. Son meilleur. On en rediscutera, on fera On fera une émission Tarantino. Ouais, c'est ça. Donc à chaque fois qu'on va parler d'un truc, on fera une émission spéciale là-dessus. Hein. C'est bien connu. Tout à fait. Du coup, ce qui est assez drôle, c'est que bah, c'était un peu teasé dans le film Pulp Fiction, la scène du dîner avec Mia Wallace, donc incarnée par Uma Thurman et John Travolta, où Mia Wallace dit que voilà, juste avant, elle avait tourné un petit pilote où elle incarnait le rôle d'une mariée. Elle était spécialisée dans l'assassinat et elle se battait avec un couteau. Et elle décrit aussi d'autres personnages, et les autres personnages en fait font référence à d'autres personnages, enfin des antagonistes dans le film Kill Bill. Tout ça, on vous mettra En en lien description, ouais. dans la description pour YouTube et pour Spotify et le reste, on t'émerdera. On trouvera. Ouais, bien sûr, toujours. Pourquoi c'est intéressant de parler de ce film en ce jour du droit de la femme hein. Parce que déjà de un, ça présente une femme, enfin une femme forte, simplement, qui commence à dézinguer des têtes. Et ça, c'est quand même assez classe, surtout quand t'es un garçon. Hein, rempli de testostérone. C'est ça. Mais ce qui est cool, il n'y a pas non plus une hypersexualisation de Uma Thurman. Elle termine pas en mode. en mode petite tenue, etc. Non, enfin, je veux dire, on la voit d'abord en tenue de mariée, puis après, ce qui est cool, c'est que elle va, enfin, une petite référence à de Tarantino à Bruce Lee, elle va se mettre dans sa tenue jaune. Hein. C'est la tenue que Bruce Lee avait dans son dernier film, je pense, Le jeu de la mort. Et derrière la caméra, le film a été créé en collaboration en fait avec Uma Thurman. C'est elle qui a écrit son personnage avec Quentin Tarantino. Lourd. Ouais, lourd, lourd. Mais surtout que leur relation, ils étaient vraiment très très proches en fait. À partir de Pulp Fiction, ils se sont très bien entendus. C'était un peu sa muse. Ouais, voilà, c'est ça, vraiment. Ils étaient vraiment très très proches. Et puis il y a eu un couac dans leur relation, ouais. Survenu justement dans le tournage de Kill Bill. À un moment, elle doit conduire une cabriolet pour aller péter la gueule à un méchant. Et Quentin Tarantino lui a dit, écoute, c'est toi qui vas conduire le cabriolet. Mais il faut savoir que la route était vraiment était bumpy, donc il y avait plein de nids de poules, etc. Et la voiture pas très safe. Et la voiture était pas très safe. Ouais. Uma Thurman a dit, écoute, moi je préfère qu'on fasse une stunt, donc une doublure. Quentin l'a forcé énormément, l'a vraiment forcé, lui a dit, écoute, tout va bien, tout est safe, on a vérifié, on a fait un test, il y a zéro souci, tu peux le prendre. Donc elle va prendre le volant de la voiture et elle se crache. Ce qui l'a laissé avec... Non, mais enfin, c'était quand même assez grave, quoi. Enfin, je veux dire, elle a toujours des séquelles au niveau de la nuque et de ses genoux de cet accident, quoi. Donc leur relation est complètement brisée. Ils ont plus retravaillé. Enfin, si, Kill Bill 2, mais je suppose que ça a été filmé en même temps. Hein. Ouais, non. Kill Bill 1 et 2, en fait. C'est partie 1 et 2. Ouais, ouais. 1 et 2. Mais donc ils n'ont plus travaillé ensemble après. Non, ils n'ont plus jamais travaillé ensemble. Et il y a eu vraiment une scission, en fait, dans leur relation. À cause de ça, mais il y a aussi. Je pense qu'il faut en parler. Ouais. Ouais, ouais. Il y avait un certain producteur. Il y avait un certain producteur derrière les films de Tarantino, Harvey Weinstein. Donc la Weinstein Company qui était là. Et en fait, bien avant de commencer le tournage de Kill Bill, Harvey Weinstein avait déjà agressé Uma Thurman. Weinstein l'a agressé deux fois, en fait, de ce qu'elle disait. Une fois à Paris et une fois à Londres, ce qui est vraiment trash. Elle a vraiment repoussé ses avances au dernier moment, alors que lui, il était en chemisette, etc. Il a essayé de lui monter dessus. Et elle est partie de là. Et alors le lendemain matin, elle est partie chez une amie à Londres. Désolé, c'est pas drôle, je ris jaune. Weinstein lui a envoyé des fleurs jaunes et avec... une petite carte, et sur la petite carte, on lisait « Tu as quand même de bons instincts ». Ouais. Et voilà. Donc, c'est pour ça que maintenant, Harvey Weinstein est en prison. Oui, mais du coup, ce qu'on pourrait se dire aussi, l'impact que ça a eu, parce que Quentin Tarantino était au courant de tout ça. Hein. Mm-hmm. Elle lui a dit que Weinstein avait essayé de l'agresser, elle lui a dit tout ce qui s'était passé, elle lui a décrit tout, puisque c'était avant que l'accident n'arrive, donc ils étaient vraiment proches. Et Quentin Tarantino a été chez Weinstein et lui a dit, écoute, maintenant tu présentes tes excuses à Uma parce que ton comportement était vraiment déplacé. Apparemment, ça s'est fait, puisque le film a eu lieu, donc Kill Bill a eu lieu. Quand on regarde un peu la filmographie de Quentin Tarantino, il a continué de travailler avec la Weinstein Company, mais le rôle que la Weinstein Company prenait vis-à-vis des films de Tarantino a baissé petit à petit. Et donc, on voit que... À partir de Kill Bill. De Kill Bill. Et donc, ouais. Si tu veux... Et donc, on voit par exemple que dans Hateful Eight, la Weinstein Company n'intervient que comme distributeur du film. Okay. Et pour Once Upon a Time, il n'apparaît mais pas du tout. Bah oui, oui, logique. C'est logique. Parce que là, le scandale avait... Le scandale a eu... Avait déjà eu. Mais on voit aussi qu'il y a d'autres sociétés de production qui sont de plus importantes, qui ont un rôle plus important dans le film de Quentin Tarantino. Tu as très bien abordé ce sujet de Kill Bill. Je pense que je n'aurais pas fait mieux. Après, enfin, je veux dire, il y a encore plein d'autres anecdotes super drôles, comme par exemple la doublure de Uma Thurman qui a scindé en deux une batte de baseball au katana in real life. Tarantino, c'est un peu notre. Ouais, je pense. On kiffe, donc on. On fera un truc. Allez, celle-là, on la fera. Ouais. Je pense qu'on va beaucoup dire, on fera une émission sur ça et on le fera pas. Ouais. Mais celle-là, je pense qu'on la fera. Quand même. Du coup, pour rester dans le délire un peu Weinstein. Et toute cette ère hashtag MeToo, si vous voulez regarder une série qui traite ce sujet, pour moi, il n'y a pas meilleur que la série The Morning Show, avec en guest starring Steve Carell, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Billy Crudup et Marc Duplass. Rien que ça. Bah, rien que ça. Et en plus, on ne parle pas des guests qui viennent dans la série. Il y a le plus gros qu'ils ont eu, c'est Martin Short, qui est un humoriste très réputé là-bas aux États-Unis, qui incarne un rôle dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Et il le fait avec à perfection, quoi. Le synopsis un peu du Morning Show. Ouais, parce que je pense que c'est une série qui n'est pas super populaire ici. Je ne pense pas. Moi, à chaque fois que j'ai essayé d'en parler, les gens n'avaient pas l'impression. Elle est diffusée sur. Elle est diffusée sur Apple TV. Ouais, donc ça, on n'a pas beaucoup Apple TV ici. Ah bon. Oui, voilà, évidemment. Quoi, hein, on ne va pas prôner, c'est le bon truc, mais on se comprend, quoi. Oui. Hein. Mais tu l'as bien sûr regardé légalement. Bien sûr que je l'ai regardé légalement. J'ai mon petit compte Apple TV. Tout à fait. Je suppose que toi aussi. Oui, bien sûr. Et donc, parle-nous de cette série. Du coup, le synopsis, c'est un portrait sans concession des coulisses d'une matinale de télévision aux USA, où l'ego, les ambitions et la quête éperdue du pouvoir génèrent des tensions au sein de l'équipe. Parmi ces personnes qui aident l'Amérique à se réveiller, deux femmes, donc Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, tentent de tirer leur épingle du jeu. Et l'affaire n'est pas simple dans ce milieu impitoyable, d'autant qu'il leur faut gérer en parallèle les crises de leur vie personnelle. Pouah, c'était tellement clean. Ouais, je sais. Tu voudrais bien faire pour ma série que je vais présenter, parce que j'ai pas prévu un petit synopsis. Donc, mais je sais. Tu la connais pas. Si t'as un synopsis, t'inquiète que je le fais. Je peux même prendre tu vois, des moments un petit peu sensuels. Vas-y. J'aime un peu teaser. C'est le petit moment ASMR. Non. Enfin, moi, j'ai bien aimé ce synopsis parce qu'il ne vous raconte pas énormément de l'histoire, mais en même temps, il caractérise vraiment bien l'essence même de la série. Ce qui est un gros défaut, c'est de plus en plus, je trouve, des teasers et des synopsis qui en disent trop. Et... Ouais, vraiment. Moi, ça me gâche mon plaisir, tout simplement. Les thèmes qui vont être abordés, c'est tout ce qui va avec cet hashtag MeToo. Les abus de certains présentateurs. Par exemple, incarné par Steve Carell, mais aussi incarné par d'autres personnages au sein de la série. Mais c'est traité avec une telle finesse. Enfin, c'est vraiment, vraiment dingue. L'écriture qu'il y a derrière est sublime. Le jeu d'acteur, surtout de Steve Carell, lui, il n'a plus rien à prouver. Non. Il est juste... il crève l'écran, comme d'habitude. Il sait tout faire. Il sait vraiment tout faire, il l'a déjà montré. Mais ce qui est vraiment génial aussi, c'est Jennifer Aniston, qui montre aussi qu'elle sait jouer. Qu'elle n'est pas obligée de jouer dans des petites séries comédies romantiques ou jouer Rachel dans Friends. Reese Witherspoon aussi, puisqu'elle est quand même vachement connue pour son rôle de la blonde, là, la revanche de la blonde. Enfin, elle a quand même eu son petit prix pour World Line, où elle joue la femme De Johnny Cash. De Johnny Cash, interprétée par Joaquin. Après, j'avais oublié ça. Ouais, je sais. Souvent, le monde l'oublie. Alors que j'adore ce film. Mais moi aussi, je l'adore, franchement. C'est ce qui m'a fait aimer Johnny Cash. Et puis, il y a aussi d'autres, des acteurs que j'aime beaucoup. Marc Duplass, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, je suppose que la plupart d'entre vous, mais s'il y a des petits fanas de l'horreur, il a fait deux films qui s'appellent Creep, qui a été réalisé en partenariat avec son frère. Je vous le conseille chaudement si vous aimez l'horreur un peu déstabilisante, qui vous met mal à l'aise. Marc Duplass, il crève l'écran. Et là, il montre qu'il a plusieurs corde à son arc dans cette série. Tout le monde crève l'écran et qu'il y a ma mention spéciale. Pour moi, c'est une scène mythique, en tout cas du monde des séries. Ça, c'est sûr et certain. Pour moi, c'est une scène mythique. C'est une scène jouée par Gugu. Alors, désolé si ce n'est pas prononcé correctement. Désolé Gugu si t'écoutes ça. Désolé Gugu si t'écoutes ça. C'est Gugu Mbataro. C'est une scène qui reste mythique. Et franchement, tu rigolerais pas si tu savais de quoi je parle. Moi, j'ai vu que le premier épisode. Hein, donc, ouais. Moi, je me suis légalement fait la série légalement. Enfin, c'est une série que je conseille chaudement. Surtout qu'elle est 100% féminine. Les deux producteurs exécutifs sont Reese Witherspoon et Jennifer Aniston. À l'écriture, on retrouve la scénariste de Bates Motel, en partenariat avec le scénariste de House of Cards. Et aussi dans les réalisateurs, il y a énormément de femmes qui ont réalisé les différents épisodes. Donc c'est une série créée par les femmes et pour tout le monde qui se déguste avec grande appréciation. Tout à fait. On va dire ça comme ça. Donc The Morning Show. The Morning Show. Sur Apple TV. Sur Apple TV et puis sur un peu tout ce que vous voulez. Bien sûr, légalement. Dans toute l'égalité. Et voilà, donc pour rester dans le thème des séries, moi je suis parti sur Shameless. Je sais pas si tu connais. Non, pas du tout. Donc c'est l'adaptation US de la série du même nom, Shameless, en Grande-Bretagne. On sait bien, les Américains aiment beaucoup tout ce qui est adaptation. Mais là, pour une fois, c'est une adaptation réussie, je pense. Je dis je pense parce que je n'ai pas vu la version UK, mais de ce qu'on dit sur l'Internet, ce serait plutôt bien réussi. Bah, surtout que moi, je connais que la version US. Hein. Elle a plus de succès. Elle a beaucoup plus de succès que la version UK. Je ne savais même pas d'ailleurs qu'il y avait une version UK. Voilà, on apprend tous les jours grâce au podcast. Hein. Voilà. On a bien fait de faire une émission. Ah, ça, c'est incroyable. Donc, Shameless, ça raconte quoi? Shameless, c'est en fait l'histoire de la famille Gallagher, une famille white trash du Southside Chicago. Donc on va suivre un peu les aventures de cette famille assez atypique, avec un père, Frank Gallagher, alcoolique, absent, sans scrupules. Une mère complètement absente, elle carrément. Frank revient de temps en temps, il déambule un peu dans les rues de Chicago. C'est une série qui est super attachante dans sa détresse, en fait, dans sa tristesse. Voilà. À un moment, un des enfants va se retrouver à faire Oasis, non ? C'est pas ça ? À faire Oasis ? Oasis, non ? Le frère Gallagher, pas du tout. Ah, les fêtes, c'est là, les fêtes. Mais bon, pourquoi j'ai choisi cette série ? Pour mon rôle. J'ai choisi cette série pour le personnage de Fiona Gallagher, donc qui est l'aîné de la famille Gallagher, qui est joué par Emmy Rossum. Pourquoi j'ai choisi ce personnage ? Parce que c'est un de mes personnages de la télévision que je préfère, tout simplement. Donc il faut savoir quand même que Shameless, ça a commencé en 2011. On en est à la 10e saison qui vient de se terminer. Oh, quand même. La 11e et dernière saison sera diffusée cet été 2020. C'est une série produite par Showtime. On retrouve évidemment comme grosse star William H. Macy, qu'on avait vu dans Fargo, qui joue le rôle donc de Frank Gallagher. Et donc, revenons à Fiona Gallagher. Donc, c'est le rôle principal dans Fargo, c'est ça, non ? C'est le mec complètement paumé. Emmy Rossum. Donc, comment vous présentez le personnage ? Je pense que le. Alors, attention, spoiler. Si vous n'avez pas vu Shameless, bouchez vos oreilles, passez, parce que je vais spoiler la saison 9. Donc, on est quand même assez loin dans le truc. Donc, si vous n'avez pas vu jusqu'à la saison 9, stop. Rattrapable. Comment je vais présenter Fiona ? Je pense que le meilleur moyen de la présenter, c'est avec ses propres mots, parce que donc il faut savoir qu'Amy a quitté la série, tout simplement. Elle a décidé d'arrêter l'émission, alors que ça se passait plutôt bien, tout le monde l'adorait, ils ont tout fait pour la garder parce que c'était vraiment elle le personnage central. Mais elle a voulu essayer autre chose, et donc elle a fait un super post sur ce réseau social bleu. Dirigé par un homme lézard. Donc voilà un peu le texte qu'on vous mettra encore évidemment dans la description de la vidéo. Jouer Fiona a été vraiment un cadeau pour moi. Il y a peu de caractères, femmes ou autres, aussi dynamiques et aussi profonds. Elle est une mère fidèle, elle a des défauts, elle est libérée sexuellement, elle est blessée, vulnérable, mais elle n'abandonne jamais. Elle refuse la dépression, elle a plein de ressources, elle est loyale, brave. Et donc elle a su, dès qu'elle a lu le personnage, qu'elle voulait le faire. Et donc c'est vraiment tout ce qu'elle dit, c'est vraiment pour ça que j'aime vraiment ce personnage de Fiona. Donc pour le personnage surtout, j'ai choisi de parler de cette série. Si vous ne l'avez jamais vu, si vous aimez bien un peu les trucs, les comédies dramatiques, ces fortes tendances, etc., je vous conseille de vraiment regarder cette série Shameless. Mais alors, comme on revient un peu à Kill Bill, moi j'ai aussi voulu parler de cette série pour ce qui s'est passé en dehors du show en lui-même. Pourquoi Emmy Rossum a décidé de quitter la série ? C'est aussi à cause d'une affaire, je pense que c'était un peu dans la vague du Me Too, il y a des révélations qui ont été faites concernant les salaires des acteurs. En fait, on s'est rendu compte que durant les 7 premières saisons, Emmy Rossum avait été largement moins bien payée que William H. Macy. Alors oui, William H. Macy, c'est quand même un acteur un peu plus connu, ouais, etc. Bon, non plus, mais il n'avait pas non plus une grosse notoriété, à part Fargo. Oui, oui, oui, oui. Mais je veux dire qu'entre les deux, oui, d'accord, c'est peut-être le mec, enfin l'acteur le plus connu qui donc pourrait peut-être avoir un cachet un peu plus important. Ouais, mais au fil, ils disent pas les chiffres exacts, mais beaucoup, beaucoup moins. Mais surtout au fil des saisons, c'est vraiment Fiona qui a pris vraiment le rôle principal, celle qui faisait la série en fait, celle qui faisait le show. Avant de signer en 2016, avant de signer son contrat pour la 8e saison, elle a mis pression à Warner Bros. Elle leur a dit non, moi je signe pas le contrat. Bah, donc ils lui ont dit oui, voilà, excuse-nous, nanana, on va vous payer exactement la même chose, vous êtes les co-stars. Elle a dit non, niquez vos mères, moi je vais être payé plus que lui pour réparer tout ce que vous avez fait toutes ces années-là. Donc il y a eu un gros bras de fer, et finalement elle a gagné. Donc ça c'est positif. Donc elle a encore fait deux saisons, et puis elle est quand même partie. Mais alors ce qui est bien aussi, c'est dans ces deux saisons, donc la 8e et la 9e, elle a joué, et alors elle a écrit et elle a réalisé aussi plusieurs épisodes, parce que c'est vraiment une volonté qu'elle avait. Et justement, et les épisodes qu'elle a dirigés, je trouve qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment bons. Donc suivez-la, elle fait des trucs plutôt sympas. Et donc, je vous rappelle, si ça vous intéresse, Shameless, saison 1 à 11. La 11, ce sera la finale. Donc, si vous voulez attendre cet été pour vous faire tout d'un coup, vous pouvez. C'est sur Showtime et ça se trouve sur des plateformes légales, évidemment, pour regarder tout ça. Toujours en toute légalité. Eh bien, pour rebondir un peu sur ton personnage, enfin en tout cas sur ta célébrité, j'ai envie aussi de vous parler d'une femme forte, une artiste avec qui j'ai grandi. C'est Patti Smith. C'est une artiste dans la plus pure tradition. Elle fait un peu tout. Elle fait de la musique. En tant que musicienne, elle est auteur, compositeur et productrice aussi. Elle a fait les arts de la scène. Elle a tourné dans des petits films, dans des séries. Elle a un gros kiff pour toutes les séries policières. Du coup, elle a eu un petit rôle dans Law and Order. Mais c'est aussi une poète. Et c'est la daronne du punk rock. Il faut savoir qu'elle a un énorme kiff pour Rimbaud, tellement qu'elle le considère un peu comme son mari. Bon, oui, mais j'ai vu une vidéo là-dessus justement. J'ai regardé un docu produit par Scorsese sur une tournée de Bob Dylan de Rolling Thunder en 1977 aussi, et elle apparaît à un moment à l'écran complètement perchée, et justement elle parle de ça. Ah ouais, non, mais Rimbaud, c'est son amour, c'est sa passion. C'est son premier, un des premiers poètes qu'elle a découvert. Alors, Patti Smith, c'est quoi? C'est aussi une intronisation dans le Rock and Roll Hall of Fame en 2007. Rien que ça. Et en 2005, elle a été commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres. Mais ce qui est vraiment génial, c'est qu'elle a démarré c'était une petite gens de base, hein. Quand elle est née, sa mère, c'était une chanteuse de jazz, mais ça n'a pas trop fonctionné. Et elle est devenue serveuse. Et son père, c'était un machiniste. Ce qui a vraiment changé dans sa vie, c'est sa rencontre avec un photographe, Robert Mapplethorpe, dans la fin des années 60. Ah ouais, non. Avec l'accent, bien sûr. Hein, c'est obligé. Et cette rencontre, en fait, va tellement bouleverser. Donc, c'est son premier gros amour. C'était une relation vraiment tumultueuse. Ils ont vécu dans la dèche. Mais énormément. Et puis, en 1974, elle commence à former le Patti Smith Group avec quand même des gros noms. Lenny Kay, Ivan, donc à la basse, Ivan Kral et J.D. Doherty, qui est à la batterie. Alors, ils vont faire des petits tours, des performances punk rock un peu partout dans les États-Unis. Et un jour... il y a un producteur qui va leur dire, écoutez, voilà, moi, je veux vous produire. Et en 1975, ils font leur album Horses, qui est monument. Enfin, il n'y a pas d'autre mot, c'est le monument du rock and roll, c'est le monument du punk. Et elle a eu les couilles de commencer l'album avec une reprise de Van Morrison, donc Gloria. Et elle va un peu le remanier à sa sauce en commençant la chanson par « Jesus died for somebody's sins, but not mine ». Et c'est comme ça que l'album commence et ça devient une pléthore d'irgasmes du début jusqu'à la fin. Mais t'es un poète, mec. Ouais, je sais. Mais c'est pas leur album le plus vendu, bizarrement. Ouais, mais je trouve que ça arrive souvent quand même. Ouais, ça m'étonne pas. Et après, ils ont sorti un album encore un peu plus punk, un peu plus raw dans l'instru, qui s'appelle Radio Utopia, qui s'inspire un peu des sonorités du groupe MC5. Mais ce n'est toujours pas leur plus gros succès commercial. Leur plus gros succès commercial, c'est Easter, avec une petite chanson qui s'appelle Because the Night. Ouais. Hein. Ça, là, tu me parles. Là, je te parle. Qui a été quand même coécrite avec The Boss, nul autre, Bruce Motherfucking Springsteen. Ouais, et alors, quand Bruce est sur ton son. Ah ouais, non, quand Bruce est sur son son, t'es sûr et certain que tu vas sortir un hit. Hein, ça, ça va. Ça, je pense qu'on est. On est bien. Bon, voilà, ça, c'était un peu une présentation succincte, vraiment succincte de l'artiste, Patty. De Patty. Patou pour les intimes. Voilà, bah, entre nous, on s'appelle Patou. Ouais. Ouais. Elle continue toujours à se produire, elle continue à ace that shit, comme on dit. Mm-hmm. Malgré son âge. Moi, j'ai choisi cette personne parce que elle a eu un grand impact sur le monde de la musique, mais aussi, bah, c'est une grande gueule et elle l'assume, surtout. Ouais, et ça, moi, c'est ce que j'aime chez les gens, c'est quand ils assument, surtout chez des célébrités, quand ils assument qu'ils ont une grande gueule et qu'ils disent ce qu'ils pensent. Par exemple, elle a été porte-parole à la première contestation de la guerre en Irak. Ça a été jusqu'à ce qu'elle s'exprime face à l'Assemblée générale des Nations Unies. Elle ira même à appeler un impeachment envers George Bush. Ah ouais. Ouais, juste ça. On est en plein dedans. On est toujours dans le thème. Elle a pas envie de le refaire J'aimerais bien. Faudrait lui envoyer un petit courriel. Je vais lui envoyer un petit DM. Elle a eu les gros ovaires déposés sur sa table. D'écrire des chansons, par exemple la chanson Cana, qui est une chanson qui parle du bombardement injustifié de la ville de Cana par l'autorité israélienne. C'est-à-dire que les Israéliens, parce qu'ils étaient en guerre avec le Hezbollah, décidaient de tout simplement de bombarder une petite ville comme ça, en disant oui, le Hezbollah doit certainement se trouver là-bas. Et en fait, pas du tout. C'était complètement infondé. Oh, bah. Oh non, ils ont juste droppé. Bizarre, hein. Bizarre de la part de ce gouvernement. Pas. Ça ne leur ressemble pas du tout. Hein. Donc une chanson contestataire. Chanson contestataire. Comme les plus grands avant elle. Comme les plus grands avant elle. Et puis, elle a enchaîné sur une chanson qui s'appelle Without Chains, qui parle de Murat Kurnaz. Écoute, Murat, si tu nous écoutes, je suis désolé de cette prononciation. C'est un Allemand d'origine turque. Et en fait, ce gars-là était enfermé par le gouvernement américain sans aucun fondement. Il a été enfermé et torturé à Guantanamo et dans une autre prison aussi, Shady, où là aussi il s'est fait torturer. Elle a chanté ces deux chansons-là en 2006 à son concert à Londres. Concernant son avis sur le féminisme, elle ne veut pas porter d'étiquette. Quand on lui a demandé publiquement ce qu'elle en pensait, elle a décliné poliment et elle a dit qu'elle croit en droits humains. Pour elle, le fondement du débat, c'est replacer l'homme dans son environnement et que s'il commence à avoir du respect pour la nature, il aura aussi du respect pour ses proches. Petit fun fact quand même à propos d'elle, c'est une très très grande fan de Rihanna. Elle assume, elle adore les artistes qui s'expriment, qui assument complètement leur personnage de célébrité. Et donc du coup, Rihanna, bah, c'est son grand kiff, sa chanson Stray fait partie de son top 100 chansons, et elle l'a chantée elle-même, et elle dit qu'elle a écouté une plus d'une centaine de fois. Ouais, quoi. Bah, là, on apprend des choses. Bon, bah, quand même, on est là pour ça. Mais à quand le featuring? À quand le featuring? En fait, le truc, c'est que Rihanna n'est même pas au courant qu'elle avait fait une chanson. On va lui envoyer un DM aussi. Ouais, on va lui envoyer un DM. Hein. Rihanna, si tu nous écoutes, big up, big up. Après, au niveau de l'héritage, hein, qu'est-ce qui fait que c'est une femme forte dans l'industrie musicale? Bah, elle a quand même inspiré pas mal de gens. Cathy Tunstall, c'est celle qui chante Horse With No Name. J'adore cette chanson. Ouais, moi aussi. Bientôt The Voice. Elle a inspiré le groupe The Smiths. James Morrison le dit comme inspiration. Je pourrais pas chanter ça. Mais c'est pas grave. Rien qui me vient. Sérieux ? Qui me vient là tout de suite. T'as jamais vu l'épisode de Black Mirror, Hang the DJ ? Si. Ah ben, c'est la chanson principale. Ouais, c'est vrai. Hang the DJ, hang the DJ, hang the DJ. Voilà, toi tu peux chanter. Bah, bien sûr, moi aussi j'ai une voix magnifique. Elle a inspiré aussi R.E.M. Hein, juste... C'était une backup singer sur les titres Ebo the Letter et Blue, deux magnifiques chansons qui sont pas non plus les plus connues de REM, mais qui sont juste magnifiques. Elle inspire aussi Courtney Love et alors Florence and the Machine. Et pour finir, Madonna lui dit que c'est la plus grosse inspiration qu'elle a eue musicalement parlant. Tu veux que je chante Madonna ? Vas-y. Like a virgin, that you thought of me with first time. Oh là là, mais quelle voix ! Donc voilà, c'était un peu le tour de Patty Smith. Ben merci beaucoup, Patty, Patou pour les intimes. Moi, Patty, j'écoute beaucoup tout ce qui est. Je trouve qu'elle fait des reprises de dingue. Ah ouais, mais son smell, l'acting spirit. Ah bah ouais, exactement. Dingue. Mais même When the Doves Cry, de Prince. C'est ouf, c'est elle ouf. Elle est complètement ouf. Ses reprises, c'est ouf. Ben écoute, merci beaucoup, Dalil. Moi, je vais parler d'une artiste un peu moins connue, mais qui, je l'espère, gagne à devenir elle aussi une légende un peu faut que vous allez de son écouter. Milieu. Donc, c'est une artiste que Dalil et moi, on apprécie. Énormément. Je vais parler de Daniela Balbuena, alias O7 O'Shea. Alors, Daniela, elle est née le 13 juin 1997 à North Berken. Ah ouais ? Eh ouais, gros ! Quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais non, Mons du Nord, wesh. Mons du Nord. À North Berken, dans le New Jersey, code postal 070047. Coïncidence, je ne crois pas. De parents dominicains, elle passe toute son enfance dans un quartier pas super agréable, on va dire, à 15 minutes de Manhattan. Donc c'est vraiment cette... Je trouve qu'il y a une beauté un peu dans ce truc-là d'être à 15 minutes du symbole de l'Amérique tout en trimant bien sa mère. La musique, elle l'entoure un peu partout parce que ses potes, ils rappent déjà à l'époque de la high school. Ses sœurs, elles chantent, elles prennent des cours de chant, elles sont dans les comédies musicales, etc. Et alors, elle écoute beaucoup du Michael Jackson, du Kanye West et du Queen. Paramore, etc. C'est vraiment des influences qu'elle adore. Elle déteste la school, mais hardcore, quoi. Elle écoute jamais en cours. Elle fait semblant de prendre note, mais en fait, elle écrit des poèmes. Allez. Ouais, c'était un peu. Elle aussi, c'est une poète. C'est une poétesse. Et donc, une de ses autres passions, c'est le basket. Donc, elle joue point guard dans son lycée de North Berken. Elle se débrouille plutôt bien, même si dans les interviews, elle dit qu'elle n'était pas super forte, mais on a pas mal de témoignages qui disent qu'elle était plutôt balèze. Elle avait un chouette level. Et alors, son move préféré, c'est le shake. Alors j'espère que vous avez suivi un peu, vous commencez à comprendre. On associe donc les trois premiers chiffres de son code postal et son move préféré au basket et vous obtenez O7 O'Shea. Donc Daniela, elle est née en 97, mais O7 O'Shea, elle est née plus début 2016. Alors 2016, c'est complètement fou comme année, je trouve, pour elle. Donc elle est issue du crew O7O, donc c'est vraiment une team de rappeurs de New Jersey. Ils ont des beatmakers, des rappeurs, des clippers, etc. quoi. Elle chill vraiment dans le studio où ils enregistrent, etc. Et à un moment, elle décide d'aller dans le boot et de rapper un peu. Il balance ça sur SoundCloud et boum, ça explose direct en fait. Elle balance son son Proud, 750 000 clics aujourd'hui. Et donc elle est repérée par l'instagrammeuse et influenceuse Yes Jules. Je ne connais pas du tout, mais à ce qui paraît, elle pèse quand même dans le game. Mais ce qui est surtout intéressant avec Yes Jules, c'est qu'elle a des contacts. Elle est proche de Travis Scott et du crew de Def Jam, rien que ça. Et donc elle devient sa manageuse en fait. Et elle l'a fait signer au label Def Jam. Ouais, direct. Oh là là. Et donc lors d'un défilé Yeezy, donc la marque de vêtements de Kanye, le président de Good Music Entertainment, donc ça c'est le label de Kanye, c'est Pusha T le président, ça je l'ai appris, il la repère. En fait, Yes Jules passe son morceau pendant le défilé, et alors Pusha T, oh, putain ça c'est lourd ça ma gueule, et donc il en parle avec Kanye, il en parle avec Yes Jules, et donc elle signe sur le label de Kanye West, Good Music. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'était son influence. Hein. Elle kiffe un mort Kanye West et Kid Cudi. C'est la consécration. Quoi. Elle se retrouve directement dans leur truc, alors qu'au début de l'année, elle a juste balancé son petit truc sur SoundCloud. Quoi. Mais là, il la met directement à contribution. Et elle va travailler sur trois albums très attendus. Daytona de Pusha T qui sortira le 25 mai. Ye de Kanye West qui sortira le 1er juin. Et Nasir de Nas qui sortira le 15 juin. Donc, poum poum poum. Tout le monde commence à voir O7O balancer sur trois albums quand même high level. Quoi. Bah, quand même, surtout que Ye ouais. Quand même... voilà quoi. Ouais, quand même, voilà. Et Pusha T, Daytona, album rap de l'année au Grammy Award cette année-là. Ouais. Et alors, c'est surtout sur le titre phare, on va dire, de l'album de Kanye, Ghost Town. Donc c'était pas énorme titre. C'était pas du tout un titre qui était prévu comme single, mais ça a vraiment été pris par le public et qui en a fait vraiment le titre phare de l'album, quoi. Et alors elle livre un couplet d'une intensité et justesse incroyable. Enfin, on vous le mettra dans la quand elle commence à arriver. Wow, once I am in a chair. Tu sens le kiff à mort. Il y a une vidéo super, super chouette où, à la soirée d'écoute de l'album, en plein milieu des champs dans le Wyoming, il y a son couplet qui commence à arriver et tu la vois qui est en train de kiffer sa vie. Franchement, c'est génial. Et donc, c'est vraiment sur ce morceau-là qu'elle va commencer à se faire repérer par le grand public. Quand vous allez sur la musique sur YouTube, vous voyez dans les commentaires, c'est directement oh putain, oh, c'est Veno, trop lourd. Et donc, ensuite, elle enchaîne en 2008 avec son EP Glitter. Que j'aime vraiment bien. 5-6 titres, je crois. Ouais. J'ai saigné, moi, ces titres. À fond. Et après, elle a sorti son album, son premier album solo, qui a été repoussé de nombreuses fois. À la base, ça devait s'appeler Yellow Girl, qui devait sortir avant même Glitter, mais qui finalement a été repoussé parce que quand elle a enregistré justement Ghost Town, elle s'est rendue compte qu'elle faisait fausse route parce que, bah, évidemment, elle a bossé avec. Un des boss quand même, hein, dans le game. Et donc elle a repoussé son truc. Et donc Modus Vivendi, son premier album, est sorti en janvier 2020. Dalil et moi, on l'a saigné. On vous le conseille évidemment. Donc son style, c'est vraiment. Elle a des textes super poétiques, très très mélancoliques. Et c'est surtout sa voix, moi, qui me fait kiffer à mort. Moi, de dingue aussi. C'est une voix qui. Rappeuse comme ça. Mystérieux. Enfin. Qui casse en fait avec tout le. Tout ce qu'on entend. Tout ce qu'on entend, hein, de manière générale. Et ça, quand ça casse. Moi, je kiffe. Elle a fait beaucoup de textes sur tout ce qui était maladie mentale, dépression, etc. Et donc, le self-love avant tout. Et alors, bien que publiquement, elle soit homosexuelle, elle refuse blinder cette étiquette d'icône queer qu'on essaie de lui coller, évidemment, à la peau. Parce que bah, déjà, une femme rappeuse, on commence à en voir, mais celle qui fonctionne, c'est plus Nicki Minaj ou Cardi B. Mais bon, enfin, c'est un autre délire. C'est un autre délire, ça, c'est clair. Du Seven O'Shake, c'est pas non plus... du bubble butt. Donc si vous attendez à entendre du Nicki ou du Cardi, ça va pas vraiment être ça. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller checker un peu ce qu'elle fait. Avant tout, allez écouter Ghost Town, on vous le mettra en description, c'est un son de malade. Et puis n'hésitez pas à aller stream c'est Modus Vivendi, son épée Glitter. C'est une artiste qui commence à monter et je pense qu'elle va vraiment faire du bien à une scène rap féminine qui a besoin d'un renouveau, d'un nouveau souffle, d'un nouveau style. Surtout parce que là, ce qui est vraiment génial, c'est qu'il n'y a pas cette hypersexualisation. Ouais, tout à fait. Ouais. Ben voilà, je pense que ça conclut un peu nos trois choix chacun. Bah ouais, complètement. Hein. Complètement. Bah, je pense que vous avez vu aussi un peu notre univers. N'ayez crainte, hein. C'est vrai qu'on dit qu'on fait un podcast pop culture, mais on n'a même pas parlé des gros trucs de pop culture, mais vous inquiétez pas, on kiffe les Marvel, on kiffe les comics, on kiffe Star Wars, on kiffe Game of Thrones, enfin, on aura toute l'occasion d'en parler à d'autres moments. On voulait vraiment présenter notre univers et voilà ce qui nous caractérise un peu. Ouais, c'est ça. Mais merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Avant de se quitter, on va essayer de prendre cette habitude de vous proposer un peu notre kiff de la semaine en niveau sortie, etc. Dalil, tu veux peut-être commencer ? Moi, mon gros kiff, c'est simplement le film L'Homme Invisible avec Elisabeth Moss. Je le recommande chaudement pour ceux qui aiment les thrillers. Elisabeth Moss, donc, elle est connue pour Handmaid's Tale. Merci, Léandre. Qui aurait d'ailleurs pu être dans ma sélection. Ouais, c'est vrai. Mais là, ça confirme. Enfin, je sais même pas si ça confirme. Elle a plus rien à confirmer. Elle est juste au top de son jeu. L'histoire est une belle revisite de H.G. Wells. Et voilà quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller au cinéma voir L'Homme Invisible. Et pour ma part, moi, je vous propose un album rap qui ne date pas de cette semaine, qui date d'un peu, mais bon, il date de 2 semaines, mais voilà, on n'a pas fait un podcast il y a 2 semaines, donc je vous en parle maintenant. C'est un artiste que j'ai découvert grâce à un ami, Mathieu, si tu écoutes, merci. L'album de Lelo, Trinity. C'est un album super intéressant parce que je trouve qu'on voit de moins en moins d'albums qui sont construits vraiment sur du storytelling super intéressant. Maintenant, surtout dans le milieu de rap, c'est souvent des... qu'on appelle des albums, c'est plus des mixtapes où on met le plus de hits possible, des sons qui n'ont pas vraiment de cohérence entre eux. Et là, c'est vraiment une histoire, donc Trinity, évidemment, personnage emblématique de la série de films Matrix. C'est vraiment un beau storytelling sur tout l'album. Des sons variés, des feats auxquels on ne s'attend pas forcément, Alpha One, Lampal, j'en passe. Donc voilà, n'hésitez pas à aller streamer ça fort sur Spotify. Merci beaucoup, évidemment, d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous donner des retours parce que c'est une première pour nous, tout simplement. Donc dites-nous s'il y a des trucs que vous voulez entendre, des trucs qu'on devrait changer. N'hésitez pas à nous donner des conseils. Vous pouvez évidemment nous suivre sur tous les réseaux sociaux. On est sur on est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur Spotify, sur YouTube. À chaque fois, c'est le podcast officiel normalement. On va essayer de partager pas mal d'infos. Et surtout, même sur Spotify, on se créera des petites playlists qu'on partagera, qu'on mettra en libre accès. Clairement. Sur les petits kiffs du moment. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous suivre un peu partout. Ouais, je sais que c'est un peu le moment où on se vend, mais voilà. Il faut ce qu'il faut. Hein. On n'a pas vraiment le choix. Hein. Ouais. Et surtout, n'oubliez pas. La confiture. Surtout, n'oubliez pas. Oui. Que la pop culture. Ah c'est oui. Comme la confiture. Plus on en a. Non, moins on en a. Attends. Plus on en a. Ouais. Plus on l'étale. Non, moins on l'étale. Ouais, ouais voilà. C'est ça. La pop culture. C'est comme la confiture. Plus on en a, moins on l'étale. À la semaine prochaine.